En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers conviviaux, et selon la tradition démocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. La maladie de Saxe. Et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Adaptation, Pauline Timoney. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. En 1998, la maladie de Saxe expose le quotidien d'un médecin de campagne. Respectueux et entre consultations au cabinet médical, visites à domicile et permanence à l'hôpital, le docteur Saxe écoute, soigne et décide. En l'espace de 7 jours, entre septembre et juin, ce sont les habitants d'un canton qui se dévoilent. 7e épisode. Lundi 18 novembre. Consultation au cabinet médical. Quand j'ai perdu mon travail, dès que j'allais à l'agence pour l'emploi, j'avais le hoquet. Un hoquet terrible. Quand ça commençait, ça ne s'arrêtait plus. Au fil des mois, ça empirait. Ça me prenait chaque fois que j'allais en ville, dans les magasins, dans la rue, dans le parking. Au moindre incident, une irritation, une contrariété, ça devait me porter sur les nerfs. Voilà que ça recommençait. Le médecin que j'avais vu à l'époque, c'était pourtant un grand spécialiste, m'avait dit que la seule solution serait de m'opérer, de me couper le nerf du diaphragme, ou je ne sais quoi. Ça m'a paru quand même disproportionné. Il devait y avoir quelque chose à faire pour soigner mon hoquet sans avoir à couper. À la fin, j'avais le hoquet chaque fois que j'étais un peu énervée ou agacée. À la maison, chez mes beaux-parents, et même à l'école quand j'allais voir l'instituteur de mes fils. C'est terrible, le hoquet. Ça prend sans prévenir et ça ne vous lâche plus. Comme la torture que j'ai vue un jour dans un film. Un prisonnier était attaché sous un robinet et une goutte d'eau lui tombait sur la tête, régulièrement, toutes les 4 ou 5 secondes, et ce tapotis incessant sur le sommet du crâne finissait par le rendre fou. Le hoquet, c'est pareil. Ça secoue tout le corps, ça coupe la respiration. On se sent glacé et on a tellement peur que ça revienne qu'on attend. On se prépare à la secousse suivante, comme pour un tremblement de terre. Sauf que là, c'est en soi. On ne peut plus rien faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez le hoquet sans arrêt? Je pouvais plus cuisiner, je pouvais plus repasser, je pouvais plus coudre tranquillement. Si ça me prenait pendant que je lisais une histoire à mes garçons, j'étais obligée d'appeler mon mari pour qu'il vienne finir le livre. Si ça me prenait au téléphone, j'étais obligée de raccrocher. J'en pleurais, j'en pouvais plus. Quand j'ai commencé à travailler au cabinet médical, comme par miracle, ça s'est calmé. J'ai continué à avoir le hoquet de temps à autre, mais bien moins. Ça m'a fait penser que c'était peut-être en rapport avec mon licenciement et le fait que je ne retrouvais pas de travail. Au bout de quelques mois, j'étais inquiète que tu ne sois obligée de fermer par manque de clients. Ça n'allait pas bien. Je me suis remise à avoir le hoquet. Un beau jour, mon mari a dit « Écoute, tu travailles chez un médecin et tu lui as jamais parlé de ton problème ?» Moi, je voulais pas te déranger, bien sûr. Mais finalement, un matin, ça m'a prise au saut du lit. Alors je me suis décidée. Je suis allée ouvrir le cabinet médical. C'était un samedi. Je travaille pas ce jour-là, mais j'ouvre la salle d'attente en revenant du pain. Comme ça, les patients peuvent entrer, même si tu es en retard, et toi, tu n'es pas obligé de passer par plaie pour ouvrir, s'il faut que tu fasses une visite à Sainte-Sophie, par exemple. Comme c'était calme et qu'il n'y avait personne, je me suis assise dans la salle d'attente. Puis je me suis demandé ce que j'allais te dire. Ça me paraissait ridicule d'être la secrétaire d'un docteur et de ne jamais lui avoir parlé de ça. Mais quand tu es arrivée et que tu m'as vue assise là, dans la salle d'attente, au milieu de 3 autres personnes, tu n'as rien dit. Tu as bien vu que ça n'allait pas. Tu as fait comme si j'étais une patiente comme les autres. Tu nous as tous salués et tu es entrée. Quand tu es ressortie, je me suis levée, puisque j'étais arrivée là la première. Madame Renard était arrivée juste après moi. Ça m'a fait sourire de passer avant elle. D'habitude, quand elle n'est pas la première, elle parvient toujours à engager la conversation avec son voisin et à convaincre la personne de lui laisser sa place. Merci. Alors pour peu que ce soit le premier arrivé, je ne sais pas comment elle s'y prend pour le repérer, mais elle y arrive toujours. Enfin, cette fois-là, elle n'a pas osé tout de même. Tu m'as fait asseoir, tu t'es assis en face de moi, tu avais l'air inquiet. Asseyez-vous, Madame Leblanc. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, c'est pas grave, docteur. Docteur, pardon. Prenez votre temps. Oui, mais... Il y a des gens qui attendent. Aujourd'hui, vous êtes ma patiente, alors ce n'est pas votre problème. Vous... Ah, oh, pardon, oh là là. Vous savez, ça fait longtemps que ça dure et j'ai jamais... Pardon. J'ai jamais eu l'occasion de vous en parler, mais figurez-vous que... Ça dure depuis que j'ai perdu ma place en... Pardon. Enfin, ma place précédente à la manufacture. Je me suis mise à... avoir le hoquet, vous voyez ? Exactement comme ça. Au début, c'était seulement quand j'allais... à l'agence pour l'emploi. Mais après, ça s'est mis à me le faire tout le temps. Et j'ai tout essayé. J'ai vu tous les médecins du canton. Et j'ai même vu un... J'ai même vu un neurologue de l'hôpital. Le docteur Dor... Le docteur Dor... Dormesson ? Oui. Mais ça s'est pas arrangé. Et j'étais vraiment désespérée. J'étais vraiment désespérée parce que ça me le fait la nuit aussi. Je voulais... Pardon. Je voulais aller dormir dans le canapé, mais mon mari n'a jamais voulu. Il voulait que je reste à... avec lui. Pourtant, on en a passé des nuits sans... Ah. Pour le reste, enfin, vous me comprenez. C'est pas facile d'avoir une vie intime quand on a le... Quand on a le hoquet comme ça. Oui. Quand vous m'avez embauchée... D'un seul coup, je me suis sentie mieux. Pardon. J'ai plus eu le hoquet aussi souvent. J'ai pu ressortir, j'ai pu retourner en ville, voir mes parents, recevoir nos amis. Parce que vous imaginez, moi j'avais honte de pas pouvoir faire quoi que ce soit. Sans être secouée comme ça, à tout bout de champ. Vous savez, c'est infernal. Quand vous voulez vous maquiller et que ça vous secoue sans prévenir, vous vous mettez du noir dans l'œil. Je me parle pas du rouge à lèvres. Pardon. Ça vous fait rire, mais... Quand c'est tous les jours comme ça, 24 heures sur 24, pendant des semaines... Ça s'est calmé. Ah oui. C'est surtout quand je suis énervée que ça me prend. Et vous me connaissez, depuis 10 mois bientôt que je travaille avec vous, je suis un peu maniaque sur les bords. Quand les choses ne marchent pas comme je voudrais, je vais pas bien. Ben, ces jours-ci, je sais pas pourquoi, ça m'a repris. Alors mon mari m'a dit de venir vous voir. Je me suis dit, c'est vrai. J'ai vu tous les médecins du secteur et plusieurs à l'hôpital et j'en ai jamais parlé au docteur. Mais le fait de vous attendre en voyant les gens arriver derrière moi, ça m'a agacée. Je me rendais pas compte que le samedi, vous aviez autant de monde. Tous les samedis ne sont pas comme ça. Oui, enfin quand même, la prochaine fois, je prendrai un rendez-vous. Sûrement pas. La prochaine fois que vous aurez besoin de me voir, je viendrai au cabinet plus tôt et voilà tout. D'ailleurs, je suis content que vous soyez venue. Ça faisait longtemps que je voulais vous demander si vous étiez heureuse de travailler ici. Bien sûr, j'étais heureuse. Très heureuse. Nous avons parlé un moment du cabinet médical, puis tu m'as interrogée sur mon hoquet. Tu as fini par me dire que tu étais d'accord avec moi. Je n'étais pas malade, c'était en rapport avec mon anxiété. C'était une manière de réagir, en fait. Tu m'as prescrit quelque chose, mais pas pour arrêter le hoquet, pour le prévenir. Sur l'ordonnance, j'ai lu « En prévention des troubles, prendre avec un grand verre d'eau une gélule contenant galactose 4 mg, sucrose 3 mg, fructose 2 mg, lactose 1 mg, QSP 40 gélules de 10 mg. » Le pharmacien m'a préparé ça dans des gélules vertes. Petit à petit, mon hoquet m'a laissé tranquille. Pendant quelques semaines, j'ai pris une gélule avant d'aller en ville, et tout se passait bien. Et puis j'ai oublié d'en prendre. Mais le hoquet n'est pas revenu. Et quand ça m'arrivait, ça ne durait pas des heures comme avant. Au bout de 3 ou 4 mois, il avait complètement disparu. Alors raconte-moi, sais-tu pourquoi tu pleures la nuit ? Parce que je fais un cauchemar. Un cauchemar qui te fait peur ? Oui, un cauchemar affreux. Il y a des monstres dedans ? Oui. Tu crois que tu pourrais les dessiner ? Bah oui. Je sais pas comment dire ça, c'est bien peu de choses, mais il fallait que j'en aie le cœur net. Je voulais seulement vous poser une toute petite question. Je sais que j'aurais pu appeler, vous me l'avez déjà dit, mais j'ai eu peur de déranger, alors j'ai préféré venir. Mais je sais pas si ça mérite que vous m'examiniez, c'est si peu de choses. Seulement ça me gêne un peu et je sais pas trop quoi en penser. Mais je pense que vous allez pouvoir m'expliquer, parce que comme ça, je serai rassurée, même si ça a l'air un peu bête. Je me dis que vous allez vous moquer de moi. Vous savez comment c'est. On se fait un monde pour rien et pourtant ça travaille. Et tant qu'on n'a pas consulté, on n'est pas tranquille. Alors voilà, je perds mes cheveux par paquet et je me demandais si ce serait pas l'eau. Voilà. Merci. Eh bien, au revoir, docteur. Au revoir, madame. Je peux l'emporter, celui-là ? Oui, bien sûr, il est à toi. Merci. Au revoir. Docteur Sachs. Salut, petit cousin, c'est Roland. Ah, bonjour, Roland. Mais non, t'as une voix fatiguée, toi. T'as pas dormi cette nuit ? Je te dérange pas, au moins ? Non, non, mais le téléphone a pas arrêté de sonner toute l'après-midi. Ah, c'est pour ça que j'arrivais pas à te joindre. Mais c'est bien, ça, mon vieux, ça veut dire que t'as des clients ? Ouais, que puis-je faire pour toi ? T'es sûr que je te dérange pas ? J'en ai pour une minute. Vas-y, je t'écoute. Voilà. C'est Jaco, le pied. Il sort juste d'une bronchite. Et comme il part en classe de neige, forcément, sa mère s'inquiète. À propos, comment va ta mère ? Bien, bien, je lui ai parlé rapidement il y a quelques heures de ça, elle allait bien. Tu peux l'appeler, ça lui fera plaisir. Non, non, tu sais, je ne veux pas la déranger. Je voulais juste savoir comment elle allait, parce que j'en parlais avec mon père avant-hier. Il me demandait de ses nouvelles et je lui ai dit que ça faisait longtemps que je ne t'avais pas eu au téléphone. Je ne savais pas, mais que la prochaine fois, je te le demanderai. Alors, elle va bien. Pas mieux. Donc, le petit part en classe de neige. Oui, je t'en avais parlé déjà ? Ah oui, attends, je n'ai plus la tête. Évidemment, sa mère en fait tout un plat. Tu sais comment c'est, les mères. T'en vois suffisamment tous les jours, je parie. Ah. Depuis qu'il a fait cette bronchite, elle me tanne tous les jours pour que je t'appelle. Elle a peur que ça recommence là-bas. Je dis, d'accord, d'accord. Moi, je voulais pas te déranger. Déjà que tes patients t'appellent à tout bout de champ. Alors, si la famille s'y met aussi. Encore que, question famille, en dehors de ta mère, mon père et moi, t'as plus grand monde, hein, mon pauvre. Ah, ils sont tous partis, c'est malheureux. Bref. Ma femme m'a chargé de te demander si le petit pouvait partir, mais s'il ne vaudrait pas mieux qu'il reste l'après-midi au chalet au lieu d'aller faire du ski avec les autres. Il va en classe de neige, c'est ça ? Oui. S'il n'a pas le droit de faire du ski, je vois pas d'intérêt. Exactement. C'est bien ce que je pensais. Et je l'ai dit à Mireille, mais elle ne voulait pas m'écouter. Elle m'a dit, appelle ton cousin. Et voilà, quand il y a un problème médical, j'ai beau avoir l'encyclopédie de la santé en 12 volumes à la maison, elle m'a coûté assez cher, même si je l'ai acheté à tempérament, tu penses, ben ça ne fait rien, il faut que je demande à mon cousin. Il faut dire qu'en dehors de toi, question médecine, Mireille fait confiance à personne. T'as beau habiter à 300 km, et encore on a le téléphone, combien de fois je me suis dit, heureusement qu'on a Bruno. Si t'étais pas là, je me demande comment on ferait. Et encore, on a que deux enfants, et Françoise est grande maintenant, c'est une jeune fille, on s'en occupe plus. Enfin, Mireille. Moi, je me suis jamais mêlé de ça, l'histoire de femme, c'est pour moi rien. Alors, tu penses qu'on peut le laisser aller au ski ? Bien sûr. D'ailleurs, je l'ai déjà dit à Mireille, elle m'a appelé la semaine dernière, ou il y a 15 jours, quand il était malade. Ah bon ? Elle t'a appelé ? Ah bah, tu vois, elle me l'a pas dit. Ah, tu vois comment elles sont, les femmes. Je lui avais dit, appelle Bruno, appelle-le, je te dis, il va te rassurer. Non, non, elle disait, ça ira, je suis pas inquiète. En fait, c'est moi qu'elle voulait pas inquiéter, parce que quand elle est inquiète, moi, ça va plus, tu comprends ? Et elle t'a rappelé quand même sans me le dire. Du coup, je l'air, moi. Enfin, bon, si elle te rappelle, tu lui diras pas que tu me l'as dit, hein ? Quoi ? Qu'elle t'a appelé. Non, bien sûr. Tu sais bien que je suis muet comme une tombe. D'ailleurs, je n'aurais même pas dû te le dire. Quoi ? Qu'elle m'avait appelé, puisqu'elle ne te l'a pas dit. Je t'adore. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Je lui dis toujours à ta mère, Bruno, c'est la discrétion même. Faudra quand même que je l'appelle, parce que ça fait longtemps, mais tu sais ce que c'est ? On travaille, on finit tard, on n'y pense pas, et quand on y pense, c'est plus l'heure pour appeler. En tout cas, là, j'ai bien fait de t'appeler à cette heure-ci. T'avais fini, hein, c'est ça ? Ouais. Non, je vais faire une course et je reviens. J'ai des rendez-vous après. Ah, t'as pas fini ? Bon, alors, je t'embête plus, hein. Merci encore. En tout cas, tu me soulages. Il va être content, Jaco. Lui qui se voyait déjà rester tout l'après-midi au chalet, ça l'emballait pas. Et puis sa mère, ça va la rassurer. Tu sais comment elle est, Mireille ? Ouais, bah, elle est comme comme toutes les mères. Sacré Bruno, hein. Allez, je t'embrasse. Moi aussi, au revoir, Roland. Embrasse Mireille et les enfants. Ouais. Je te dis rien, mais t'es toujours célibataire. Faut pas trop attendre, tu sais. Un homme, ça doit pas rester seul. Moi, tu vois, je m'y suis pris tard et je regrette. À 50 ans, quand on a un fils de 10 ans, on s'inquiète pour l'avenir quand même. Mieux pas d'enfant du tout. Bien sûr, il y avait Françoise, et elle m'aime beaucoup, mais je suis pas son père, c'est pas pareil. Heureusement que Mireille était encore jeune, parce qu'autrement, j'aurais jamais su ce que c'était. Alors toi aussi, il faut que tu te trouves une petite femme. T'es encore jeune, mais tu verras, quand t'auras mon âge... Oh, sûrement. Excuse-moi, Roland, il faut que j'y aille. Bien sûr, bien sûr. Allez, ciao. Ciao, Roland. Oui ? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, docteur, mais c'est la petite. Elle a insisté pour passer, elle voulait vous donner un dessin. Ah. J'ai fait plein d'autres monstres. Merci, mon lapin. Tu vas le mettre avec les autres ? Bien sûr. Tu veux me dire où ? Ah oui. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Vous ne me faites pas perdre mon temps. Montre-moi. Là. À côté du lion? Oui. C'est Virginie qui l'a fait? Oui, c'est Virginie. Tu la connais? Oui, on est assise à côté à la cantine. Allez. Tu viens, ma chérie? Oui. Merci, docteur. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. J'ai mal au ventre. Je perds mes, mes cheveux. J'ai une verrue. Je vois plus d'un œil. J'ai la tête qui tourne. Ce serait pas la tension? J'ai mal au dos. J'ai toujours soif. J'ai mal aux pieds. Ça me gêne de vous le dire, mais j'ai une douleur mal placée. Je peux plus bouger. Je saigne. J'en peux plus. J'ai un truc là, dans la bouche. Ça me fait peur. Je vois. Ce doit être très pénible. Bonjour, docteur. Bonjour, madame Lacourbe. C'est calme, on dirait. Oui, très calme pour un mois de novembre. Mais il fait beau en ce moment. Il paraît que la grippe arrive bientôt. Ah oui? Oui, j'ai entendu ça à la radio. Et puis le représentant des vaccins est venu nous dire qu'on pouvait commencer à en parler. Enfin, il nous a dit ça au mois d'août, mais bon, tant qu'il fait beau, on va pas pousser à la consommation. Qu'est-ce qu'il vous faut, docteur? Eh bien, je n'ai plus de morphine en ampoule. Et puis, 2-3 bricoles, je vous ai fait une liste. Je vous prépare ça tout de suite? Non, je reviendrai demain. Aujourd'hui, j'ai juste besoin de la morphine. Je vous fais le bon détoxique. Je vais vous chercher ça. Sur le présentoir, tu as pris une brosse à dents et 3 paquets de gomme à la réglisse. Tu me donnes le bon détoxique, j'inscris ton nom et ton numéro d'immatriculation sur le grand registre, les références de la boîte, les renseignements administratifs obligatoires. Tu es pratiquement le seul dans le canton à venir chercher de la morphine régulièrement. Au début, ça m'étonnait un peu, ça inquiétait même Madame Grivel, parce qu'on trouvait que tu en demandais beaucoup par rapport à tes confrères. Parfois, au début de ton installation surtout, tu avais l'air si triste qu'on se disait que tu en prenais peut-être pour toi. Un jour, je t'ai demandé si tu avais beaucoup de patients qui en avaient besoin et tu as eu l'air étonné. Tu as dit non, je n'en utilise pas beaucoup. Alors j'ai compté, c'était vrai. Tu venais en chercher 4 ou 5 ampoules tous les 2 mois. C'était peu de choses en fait, mais nous n'avions pas l'habitude. Et puis j'ai remarqué que tu demandais aussi d'autres antalgiques. Et Madame Leblanc m'a expliqué que les laboratoires ne voulaient pas toujours t'en envoyer en échantillon. Et puis, les gens causent. Le docteur Sachs est venu cette nuit parce qu'il souffrait trop, il lui a fait une piqûre et ça l'a bien soulagé. Ou, si le docteur Sachs n'était pas venu me faire un calmant, je ne sais pas comment j'aurais passé la nuit. Les mamans t'appellent docteur Aspirine. Les vieux t'appellent docteur Soulagement. Tu ne laisses jamais un enfant avec de la fièvre. Tu ne laisses jamais personne souffrir. Il n'y a que 5 ampoules, ça suffira? Ce sera parfait. Au revoir, madame Lacourbe. Au revoir, docteur. À demain. Je repose le livre. Je me frotte les yeux. Dehors, il s'est mis à pleuvoir. Près de moi, une dame sursaute, murmure, ouvre son sac, le fouille, farfouille, fouille encore, s'énerve. Je l'entends s'enguirlander. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai, je l'ai pas oublié, comment ça se fait? Mais si, il est resté sur la commode, c'est sûr, puisque je l'ai sorti pour donner de l'argent à la petite quand elle est allée chercher le pain. Oh là là là là, ça m'embête, mais je peux pas retourner à la maison. Si je passe mon tour, j'en aurai pour une heure encore. Il va rien me dire, ça c'est sûr, mais j'aurai l'air de quoi, ça se fait pas. Elle referme son sac, le rouvre, fouille encore une fois par acquis de conscience, hoche la tête. Il est sûrement resté là-bas, y a pas moyen. Puis le referme et le serre sur ses genoux. Elle regarde combien de personnes doivent passer avant elle, me regarde, et à ce moment-là, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Je me souviens de quelque chose, et comme je ne veux pas soutenir son regard, je feuillette en arrière. Vous comprenez, docteur, c'est pas facile en ce moment, alors je sais pas s'il faut que je m'endette encore, ou s'il vaut mieux que je reste là où je suis. Évidemment, c'est un choix à faire, mais je me dis que si je m'endette un peu plus, bon, il y a les assurances, mais si jamais il m'arrivait quelque chose, ma femme et mes enfants, qu'est-ce qui deviendrait? Parce que si je change de local, c'est pour m'agrandir, bien sûr, mais ça veut dire plus de stock, donc plus de travail, et j'ai pas les moyens d'embaucher quelqu'un. Déjà que ma femme, elle m'aide pratiquement toute la journée, mais même que je peux pas la salarier, c'est trop compliqué, ça nous ferait changer de temps. Enfants, c'est pas assez. C'est pas question d'en avoir. Du cherches ton dessin ? Oui. Je l'ai déplacé, il y en avait trop. Le voilà. Tu te souviens de ce que tu avais dessiné ? La mer. C'est ce qui est rouge ? Non, ça c'est le mur. La mer est derrière. On voit une vague qui dépasse là. Tu veux le reprendre ? Non. Je sais où il est. Vous ne le jetterez pas ? Je ne jette jamais les dessins. Cabinet médical de Play, j'écoute. Allô, Edmond ? C'est toi, Edmond ? Vous comprenez, docteur, c'est comme ça tous les jours. Pas moyen de l'arrêter. J'ai voulu donner sa bouillie avec de la gélo-viscose. J'en mets 12 cuillères alors qu'ils disent 8 sur la boîte. Je lui donne les gouttes que l'hôpital m'a marquées. Je sais que ce n'est pas grave. Je le couche sur le ventre, la tête surélevée, mais ça continue. Et moi, j'en ai marre de lui changer ses draps 4 fois par jour. Ils ont beau dire que ça va s'arranger avec l'âge, ça fait 2 mois que ça dure et ça ne s'arrange pas. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas le faire opérer quand même. Vous permettez ? Mon mari n'est pas d'accord. Un bébé de 6 mois, ça lui fait peur. Mais ce n'est pas lui qui s'occupe de la lessive. Vous savez comment c'est, les hommes. Excusez-moi. Vous n'auriez pas un mouchoir ? Mais je sais que c'est pas grave. Le corps n'existe pas. Enveloppé dans la blouse, les vêtements, les mains à la rigueur, quand elles ne prennent pas de gants. Les yeux matent derrière ces foutus carreaux gras, cheveux gras, nez luisant comme un gyrophare. Est-ce qu'on l'entend hurler de l'extérieur ? Touche à tout du bout des doigts, réponse à tout du bout des lèvres. Retrousser ses manches, ça ne met pas nu. Pour être nu, enfin, il faudrait... Parce que j'ai 30 ans, mais j'ai déjà mal partout. Parce que j'ai 40 ans et je commence à m'inquiéter. Parce que j'ai 90 ans. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. J'en ai marre. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Parce que j'ai 70 ans passés et mon fils me fait du souci. C'était La maladie de Saxe de Martin Vinclair. Adaptation Pauline Timonier. 7e épisode. Parce que j'ai presque 60 ans. Avec Vincent Schmitt, le docteur Saxe. Et Flora Brunier. Christine Murillo. Agathe Le Bourdonnec. Anne Carr. Aurélie Billedou. Gilda Albertoni, Olivier Broche, Stéphanie Fatou, parce que j'ai passé Pauline Jambet, Régis Chaussard, Françoise Cousin. Parce que j'ai 30 ans, mais j'ai déjà mal Bruitage, partout. Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massa, Jean Rondeau, Erwan Ricordo, Clémence Gouet. Équipe de réalisation, Claude Niort, Sébastien Labarre, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. La maladie de Saxe est publiée aux éditions POL et aux livres de poche.